L'idée de cette chronique qu'on va commencer aujourd'hui m'est venue après la lecture d'un article qui parlait d'une coalition d'organismes communautaires et sociaux à Montréal qui voulait amener sur la place publique des enjeux, qui voulait finalement que le débat sur les élections municipales porte sur autre chose que sur une langue de bois à laquelle on est malheureusement habitué. Donc, j'ai eu le goût de discuter des enjeux en question avec chacun des organismes, ou en tout cas certains d'entre eux, et c'est pourquoi aujourd'hui je commencerai cette discussion très bon enfant ou à bâton rompu avec Simon Brault, le président et fondateur de l'organisme Culture Montréal, et on pourrait discuter sur la culture. Bonjour Monsieur Brault. Bonjour. Vous venez de lancer une plateforme, je crois, avec Culture Montréal, qui émet des recommandations et en fait qui demande à ce que chacun des candidats et des équipes pour les élections municipales s'engage à des choses très, très précises pour la culture à Montréal. Vous en êtes satisfait? Oui, en fait, la plateforme qu'on a lancée s'appelle 21 propositions pour accélérer l'édification de Montréal comme métropole culturelle. On a choisi le chiffre 21 parce que ça réfère aussi à l'agenda 21 de la culture, qui est une espèce de grand programme mondial auquel le Québec et Montréal adhèrent pour faire en sorte qu'au 21e siècle, de là l'idée de 21, au 21e siècle, les arts, la culture, le patrimoine soient considérés comme étant absolument essentiels à la vie des communautés, des villes, des nations. Et donc, les 21 propositions qu'on fait sont organisées en quatre grands chapitres. Augmenter la participation culturelle, qui est notre obsession à Culture Montréal et avec raison, je crois. Deuxièmement, soutenir davantage et mieux la création artistique. Troisièmement, prendre 2017, qui est la fin du prochain mandat au niveau des élections municipales, prendre 2017 comme étant un horizon pour vraiment réfléchir à ce que doit être la métropole culturelle. 2017, c'est le 375e anniversaire de Montréal, le 50e anniversaire de l'Expo, donc un moment important pour Montréal. Puis le quatrième point de notre plateforme, le quatrième axe de notre plateforme, c'est vraiment la question du financement, où on a des idées sur comment mieux financer la culture, pas juste plus, mais mieux, et aussi sur la transparence en matière de gouvernance culturelle, parce qu'on trouve que ça peut être plus transparent que ça l'est présentement à Montréal. Oui, c'est peu dire, là. Si on revient un peu à la fameuse coalition, un des trucs que je trouvais très intéressant de cette initiative-là, c'était l'idée de dépasser un peu les gardes-clochers ou la spécialisation extrême des champs d'intérêt pour les Montréalais dans une élection municipale et d'élargir les débats, de finalement profiter de la campagne électorale pour poser des questions, pour réfléchir, puis pour mettre sur la place publique des questionnements qui sont plus larges que les petites spécialisations dans lesquelles on travaille à tous les jours. Si je peux me permettre, j'aurais le goût qu'on parle un peu du terme de la culture. J'ai l'impression que souvent, c'est un terme qui est un peu galvaudé ou en tout cas qu'on met beaucoup de choses à l'intérieur de ce terme-là. Je vais vous faire une petite définition de ce mot-là, très partielle évidemment, et vous me direz, M. Brault, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression qu'il y a comme deux types de culture en général. Il y a la culture évidemment artistique avec les manifestations artistiques, avec des combats pour des meilleures conditions de travail et d'expression pour les artistes. Donc il y a tout le volet artistique qui est très proche du volet spectaculaire aussi, touristique, etc. Et il y a l'autre culture avec peut-être un petit « c » qui réfère beaucoup plus à une question anthropologique, puis qui réfère à ce qu'on mange, comment on s'habille dans ce coin-ci de la planète, notre urbanisme, etc. Et là, j'ai l'impression que il y a une pauvreté, si on veut, qui était très paradoxale avec le foisonnement artistique, si on veut, de la culture plus institutionnelle et artistique. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous avez raison. En fait, moi, sur la question de la culture, j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Le facteur C », justement. Et ce que je défendais dans ce livre-là, puis ce que je défends toujours, c'est que on peut comprendre la culture comme étant, d'une part, puis c'est une réalité, comme un secteur d'activité. Donc vraiment, quand on parle de ça, on parle, oui, des arts et des lettres, on parle des industries culturelles, donc le livre, le cinéma et tout ça, et on parle aussi de tout ce qui touche le patrimoine culturel. Ce secteur-là, c'est un secteur très important dans une ville comme Montréal, c'est un secteur au sein duquel travaillent au Canada plus de 150 000 personnes. On est capable de le chiffrer, il y a des lois, des règles, des revendications, des enjeux. Mais ce qui est encore plus important que le secteur de la culture, c'est de voir la culture comme étant une dimension fondamentale de la vie humaine, du développement de n'importe quelle communauté qu'on peut imaginer, y compris une ville. Et nous, ce qu'on dit à Culture Montréal depuis le début, depuis la création de Culture Montréal, c'est que le secteur de la culture, c'est beaucoup moins important pour les citoyens que la culture comme dimension. Et ce qu'on dit, c'est qu'au fond, on n'oppose pas un à l'autre. On dit que le secteur de la culture, par définition, doit s'intéresser aux citoyens dans leur ensemble, dans toutes leurs préoccupations. Et effectivement, il y a un aller-retour constant entre ce que les artistes, les plus grands génies artistiques créent et ce que vivent les gens. Et ça a un impact. Et quand on veut parler de culture, on ne peut pas parler de culture comme si c'était quelque chose réservé à quelques personnes, aux créateurs, aux artistes ou même à leur public. Quand on veut parler de culture, on parle finalement de la manifestation la plus fondamentale de ce qu'est un être humain. Et on parle, et c'est pour ça que quand on discute de culture, on discute d'identité, on discute de toutes les identités sexuelles, d'orientation nationale, etc. Quand on parle de culture, on discute aussi toujours d'habitudes, de comportements, de codes, de symboles qu'on retrouve dans une société puis qui constituent sa culture, sa vie culturelle. Et ça, c'est très important de ne jamais décoller un de l'autre. Parce que si on parle du secteur culturel en oubliant la réalité de la culture pour tous les gens, on se retrouve dans une discussion de transactions, puis d'argent, puis on a un gros, gros défaut présentement à déraper rapidement d'un débat sur la culture à un débat sur l'argent. Et l'argent est une condition, c'est une des ressources dont on a besoin pour avoir une vie culturelle qui a de l'allure, mais c'est définitivement pas la seule. OK. Il y a quelques années, il y avait un débat organisé par l'INM à la Grande Bibliothèque, dont Ariane Aymon, d'ailleurs, de Culture Montréal, aussi était animatrice. Fort intéressant ce débat-là auquel j'ai assisté. Puis il y avait un anthropologue, sociologue, Rosard Garon, qui amenait un truc vraiment intéressant par rapport à ce que vous dites là, par rapport à cet amalgame entre les deux pôles, si on veut, de la culture, ou cette tentative d'amalgame. Il disait que aujourd'hui, il y avait dans le secteur culturel carrément une problématique de pouvoir. Il faisait même référence à un clash générationnel. Et il décrivait, en fait, le foisonnement, la richesse, la diversité des manifestations culturelles à Montréal, on parlait de Montréal, dans des lieux qui ne sont pas traditionnels, dans des lieux impromptus, improvisés, etc. Et d'un autre côté, il disait que les lieux traditionnels de la culture, donc les grands théâtres, les opéras, etc., avaient, eux, un public qui les désertait tranquillement ou qui était dans une, si on veut, dans une pente descendante. Il parlait carrément qu'il y avait une problématique de pouvoir, puis qui faisait un lien avec un conflit générationnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais en fait, la situation dans laquelle on est à Montréal, dans laquelle on est, je dirais, dans à peu près tous les pays développés, c'est que les institutions culturelles, le système culturel tel qu'on le connaît, qui a été vraiment imaginé, créé, fondé, financé dans les années 50 et au début des années 60, ce système-là, donc, a 50-60 ans et traverse présentement une crise réelle. Et cette crise-là, c'est vraiment que, effectivement, il y a un vieillissement de la population qui fréquente les lieux culturels traditionnels, institutionnels. Avec, il y a toujours des exceptions. Et il y a aussi non seulement un vieillissement, mais à Montréal, il y a un enjeu très important, c'est que c'est une population blanche francophone ou blanche anglophone. Et donc, il y a une grande partie des Montréalais qui sont presque maintenant la majorité des citoyens montréalais, qu'on ne voit pas dans les lieux de culture traditionnels, avec l'exception notoire des bibliothèques publiques et de la Grande Bibliothèque. La Grande Bibliothèque est le seul endroit culturel à Montréal encore où, spontanément, vous pouvez dire, les gens que je vois dans le A de la Grande Bibliothèque ressemblent aux gens que je vois dans le métro le matin. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc on traverse une situation où le modèle de démocratisation culturelle qui avait été mis en place dans les institutions est en mutation. La programmation, visiblement, intéresse un segment de la population et pas la grande majorité. Le coût des billets, etc., etc., il y a vraiment une crise qu'on traverse maintenant. Ce qui était encourageant, c'est qu'effectivement, dans certaines institutions, hors les murs, donc tout ce qui est fait hors les murs, dans les parcs, etc., etc., il y a dans les restaurants maintenant à Montréal, dans les petits bars, il y a une vie culturelle qui est très riche, qui est très foisonnante, qui va demander éventuellement à muter vers les grandes institutions puis vers les infrastructures culturelles. Mais ce qui est encore plus important que ça, encore plus important que la culture en dehors des murs puis dans des lieux non traditionnels, c'est l'impact d'Internet. Parce qu'on vit présentement dans une situation où tout le monde, ou à peu près, qui est équipé, minimalement équipé d'un téléphone mobile, s'il est encore mieux équipé avec un iPad ou avec un ordinateur, les gens maintenant ont un accès instantané à des quantités de contenu culturel de toute qualité. On vit dans une situation où on est habitué à la dématérialisation, on vit dans une situation de l'instantanéité qui fait que de plus en plus les gens ont de la difficulté à suivre un long récit linéaire. On vit dans une situation où les gens veulent une satisfaction immédiate qu'on a l'impression d'avoir quand on est sur le web. Puis on vit aussi dans une situation où les gens vont de moins en moins s'abonner, prennent des décisions beaucoup plus rapides, vont même pas dans un restaurant maintenant ou vont même pas s'acheter un produit quel qu'il soit sans aller voir sur Internet puis avoir une opinion dessus. Donc on est dans un moment où notre rapport à la vie culturelle, puis à la production, puis au spectacle, puis à la musique, comme on l'avait imaginé dans les années 50, 60, 70 de démocratisation culturelle, ce rapport-là est profondément modifié présentement. Donc oui, on est en situation de crise. La bonne nouvelle, c'est que c'est dans ces moments de crise-là qu'on peut faire preuve d'imagination, qu'on peut innover, qu'on peut inventer des nouveaux comportements culturels, des nouvelles, ce que j'appelle circulation culturelle. Et à Culture Montréal, on est très fasciné par ça. Et c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, on parle de Montréal comme une métropole, on parle du centre-ville, du quartier des spectacles, mais à Culture Montréal, on parle énormément de la culture de proximité, de la culture dans les quartiers, de la culture à l'échelle des bouts de ruelles, parce qu'on pense qu'on a besoin, comme être humain, de tout ça, puis que c'est pas vrai que les gens vont accepter aujourd'hui d'aller dans un seul quartier ou dans un nombre limité d'institutions culturelles pour vivre une vie culturelle. Les gens veulent l'avoir dans le quotidien, puis ça, c'est quelque chose qui est en développement à Montréal, puis Montréal, sur ce plan-là, se porte très bien, merci. Merci beaucoup, Simon Brault. Merci.